Bonjour. Vendredi, direct vendredi 14 avril 2023. Je vais le faire aujourd'hui parce que demain, je ne pourrai pas en faire. Donc aussi, je dois quitter vers 9h30. C'est un jour de semaine, puis bon, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens? Ça va être long s'il n'y a personne parce que je suis une tête vide puis j'ai rien à dire dans le fond. En tout cas, aujourd'hui. Ah, bonjour, Jean. Donc, j'imagine qu'il y a du sang, les gens. Il y a du sang. Il y a du son. Il y a du son, les gens disent bonjour au lieu de. Bon, j'en ai qu'il n'y a pas de son. Bonjour, Corinne. Donc, bon. En Virginie. Bon, ben. Oui, 5 sur 5. Bon, parfait. Bon, ça veut dire qu'il y a du sang. Donc, Didier. Bon. Ah, bonjour, Didier. Multi en avant. Ah bonjour. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas. Allô, Berthold et le chat. Bon. Donc, moi, j'ai pas de sujet spécifique. Il y a Google qui arrête pas de me faire des annonces par rapport à des actions dans l'hydrogène. Donc, ça doit être pas un bon placement. Un direct sans. Donc, moi, ben, jusqu'à maintenant. Non, là, c'est moi qui ai fait un petit lapsus. Mais des fois, j'ai l'impression. S'il y a du sang, c'est le mien. C'est moi qui me saigne dans le fond. Donc, parlez-vous du walkie. Parlez-nous du walkie. Ben, je ne suis pas un expert là-dedans. Je pourrais même pas dire, dans le fond, c'est quoi. Ben, c'est le gauchisme qui a changé de nom. Bon, au lieu d'avoir Jane Fonda, on a d'autres. Monde, puis ça, ils ont changé les formes, mais c'est le même esprit. Je le vois de la même façon. Sauf que maintenant, au lieu d'être contre la guerre, ils sont pour la guerre. Au lieu d'être, maintenant, la gauche, au lieu d'être contre le gouvernement, est pour le gouvernement. C'est des schizophrènes. Hein? La gauche est schizophrène. Donc, bon, que vous voulez que je vous dise? Mais le wokisme, c'est quoi, dans le fond? C'est, dans le fond, c'est les réseaux néo-trotskistes des universités, c'est leur philosophie, leur. Bon, c'est ça. Bon matin, Jacinthe. La bien-pensance, inversion de valeur. Ouais. Ben, c'est par la polarisation. Pour inverser les valeurs, il faut qu'il y ait une polarisation avant. Puis ça mène toujours à la mort. C'est comme ça qu'on reconnaît d'où ça vient. Ben, la destruction de la culture, oui. Par de la contre-culture, c'est-à-dire de la. Pas de la culture. Mais bon, prenez une ville comme Baltimore, qui est dans les villes les plus à gauche. Bon, comment ça a commencé? Mais la droite aussi, c'est destructeur, au fond. Mais bon, comment ça a commencé? Puis qu'est-ce que c'est devenu? Puis aujourd'hui, ben Baltimore, 10% de la population est addict à l'héroïne. Ça, c'est les statistiques officielles. Ça doit être pire que ça dans la réalité. Imaginez une ville de 10% d'héroïnomanes. Ça, c'est Baltimore. C'est ça que ça finit par donner. C'est des choses comme ça que ça donne. La gauche est une forme de. Moi, je vois un lien avec la maladie mentale, donc des troubles de comportement. Puis bon, fait que c'est ça, là, de la médication qui est, je veux dire, prenons aux États-Unis une pharmacie, appelle ça un drug store. Bon, moi, c'est honnête. Hein? Bon, puis bon, la destruction de la culture, moi. Donc, bon, ce n'est pas des sujets extraordinairement intéressants, disons. Mais comme c'est d'actualité, hein, je veux dire, on est pris dedans. Prenez la mairesse de Montréal. Prenez ce qui est arrivé, là, les pannes électriques, puis tout. Bon, on apprend que c'est par rapport, là, à la relation entre la ville et l'école bleue, ça a été mal géré, puis ils n'ont pas émondé les arbres comme il faut. Ce n'est pas un problème de température. C'est un problème de gestion. Il y a un grand changement économique. Pétrolier dollar a perdu, c'est maintenant. Pétro-yuan, la force montante de la BRICS, en plus, moi, bop. Bouf. Vous savez, je pense pas que. Je pense que c'est quand même passager. Je crois pas plus qu'il faut. Dans le fond, là. Comment comprendre cet acharnement, cette destruction massive de valeur? Ben, c'est une façon de faire, c'est de la gestion au fond des ressources humaines, eux autres, ce qu'ils appellent des ressources humaines. Il y a trop de gens. Prenez en France. En France, ça a passé au Parlement, ils ne veulent pas interdire les nitrites. C'est comme ça qu'on voit que c'est des lobbyistes qui sont au pouvoir. C'est une façon d'empoisonner les pauvres. Non seulement ils vont pogner le cancer, mais en plus, on peut faire de l'argent avec eux. On rentabilise le. Bon, vous voyez, c'est comme ça. Jérémy, merci, a fait une vidéo, je ne sais pas c'est qui dernièrement, avec un diagramme qui fait les liens entre WEF, Tavistock, Oprah, Chopra, Eckhart Tolle, New Age, donc, et pseudo-spiritualité. Ben oui. Ben, ça fait partie de. Bonjour Berthold, pourriez-vous élaborer au sujet de la différence psychopathie et un individu conscient? J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait des similitudes. Ben non, hein, quelqu'un de conscient, il va avoir une capacité de se mettre à la place d'autrui. Puis il va avoir une certaine sensibilité. La sensibilité, c'est une des multidimensionnalités d'une conscience. La capacité aussi de se mettre à la place d'autrui ou de ce qu'on pourrait dire le chevauchement paradigmatique. Donc, ça n'a rien à voir. Un psychopathe, il est unidimensionnel. Puis, il est limité. Ce n'est pas le cas, là, de. Bon. Donc, c'est là qu'il y a une différence. Différence fondamentale sur le fond. Donc, c'est quoi, donc? Il m'était venu quelque chose, je l'ai oublié. Ah oui, par rapport au New Age, tout ça. Là, il y a une psychiatre qui a écrit un livre, qui est là, dans le fond, il y a un article dans le Journal de Montréal que je considère, dans le fond, une publicité. Il y a une publicité dans le Journal de Montréal. Ça doit être édité par quelque chose de connexe. Vous savez, la fameuse Convergence québécoise. Puis elle parle d'enseigner la méditation en pleine conscience aux enfants. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais moi, mon point, c'est qu'il faudrait peut-être leur enseigner à lire, écrire, compter. Puis après, on verra. Quand on va être capable de faire ça, après, on verra. Parce que là, bon. Non, ça fait partie du New Age à mes yeux, désolé, là. Mais c'était déjà commencé quand j'étais petit. On nous faisait chier avec des histoires de méditation. Il y avait, j'avais un professeur d'éducation physique là, qui voulait nous montrer à nous relaxer. Puis c'était plate, puis c'était. Non, ben, même encore aujourd'hui, je l'haïs encore, ce bonhomme-là. Je l'haïssais pour vrai, là. C'était un insignifiant et un imbécile. Ça ne devrait pas être professeur du monde comme ça. Mais quelqu'un d'intelligent, c'est rare qu'il va s'en aller. Professeur d'éducation physique. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je veux dire, il y a autre chose à faire, là. En tout cas, mais là, c'est plus ce que c'était, hein, l'école. C'était déjà de la pas bon quand j'étais enfant. Salut, ça fait un moment. Oui, c'est vrai. Méditation pleine conscience, totalement New Age. Il dévoie la vraie spiritualité. Ben oui. Même la vraie spiritualité peut. Bon. J'ai des petits bémols, il y aurait des petits bémols là, sur la vraie spiritualité. C'est quoi dans le fond? Au fond, là, prenez là, au début, bon, il y a un animisme. C'est-à-dire, bon, pendant le paléolithique puis le néolithique, l'être humain est dans l'animisme. C'est-à-dire qu'il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il n'est pas intellectuel. Donc, sa spiritualité, c'est une spiritualité d'animal, si on peut dire. Après, l'être humain, il se met à conceptualiser, c'est-à-dire là, c'était le préhistorique, là arrive l'historique, donc il y a l'écriture. Donc, il se met à conceptualiser, il y a une capacité de transposition. Puis là, tout d'un coup, là, il va tomber dans le chamanisme. Pourquoi? Parce qu'à ce temps qu'il pense, là, il est obligé de refaire des sparages, puis il est obligé de s'adonner à des sparages pour reconnecter. Là, après ça, il est coupé de sa source, dans le fond, il est sorti du jardin d'Éden, si vous voulez. Après ça, il va venir. Les religions organisées, puis c'est l'histoire de l'humanité. C'est normal qu'au niveau d'une fin de cycle, il y ait une régression, c'est-à-dire l'être humain va retourner à le chamanisme, par exemple, qui revient à la mode. Mais c'est pas c'est pas pareil, là, comme. C'est une version intellectualisée. Donc, bon. Mais c'est tout de la merde, là, tant qu'à moi, là, ben, franchement. En tout cas, mais là, c'est pas que je critique les gens, que ça a de la valeur pour eux. Ce qui est un trésor pour un peut être une ordure pour l'autre, et vice-versa, c'est correct. L'important, c'est que si ça sert, parce que c'est individuel jusqu'à un certain point, sans tomber dans l'individualisme niaiseux. Donc, j'avoue que, bon, où est-ce que j'étais, là? C'est pour ça que je l'ai mis en guillemets. Ah, je n'avais pas vu. J'avoue, ce mot maintenant, spiritualité, risse les poils moins. Bonjour à tous, bonjour. Pourriez-vous nous parler des lignes de temps? Quoi, il y en a plusieurs? C'est quoi ça? Comme là, je le sais que quand Glenn, ça n'a pas marché, il n'y a rien arrivé, son 24, là, le monde, ah, c'est les lignes de temps, puis blablabla. Dans le fond, je ne sais pas c'est quoi ces histoires-là. Moi, à mes yeux, il y a une ligne de temps. Il n'a pas un paquet. Bonjour. Donc, c'est les lignes de temps. Non, vous savez, moi, j'ai rien de. Tout ce qui a rapport avec le Nouvel Âge, ou tout ce qui a rapport avec les théories puis les affaires qui circulent sur Internet, je suis pas au courant de rien, hein. Ça m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bonjour à tous. Bien concernant la pseudo-spiritualité, Sabrina B. Ok, ouais. Ben, non, là, c'est pas vous qui me parliez de ça, là. Mais ben franchement, c'est les dernières affaires qui sortent, là. L'être humain, faut qu'il théorise. Faut qu'il théorise, faut qu'il intellectualise, faut qu'il conceptualise. Il y a une pensée analogique qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pensée logique. Comment je pourrais dire ça? C'est des rationalisations, possiblement. Ça a de l'importance, oui, en tant que compensation pour l'être humain est obligé de penser le monde à défaut de le voir directement. Donc, il crée des représentations. Des représentations. Savez-vous quoi? Il n'y a rien qui est important, rien. C'est tout le temps de l'illusion. Ce qui est réellement important, c'est technique, puis pas au sens où on le conçoit, au sens où ça exerce ses lois en tant qu'objet extérieur à la perception. Tout est illusion dès que c'est pensé. C'est-tu correct, ça? J'avoue, je ne comprends même pas ce que je dis. Oui, la physique quantique, vous savez, c'est une autre affaire que. Ça m'intéresse tellement pas, comme le champ quantique, ces affaires-là. Je suis pas ben, ben calé dans ces choses-là. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce que je m'en fous. Même si, je veux dire, vous savez, j'ai pas d'instinct de préservation. C'est-à-dire que même la mort me fait pas peur. Même si, puis l'idée qu'il y a rien ou qu'il y a quelque chose, je m'en fous. Le seul fait de savoir que de donner de l'importance est une manipulation, l'ego se désinforme et se manipule lui-même, juste ça met tellement en colère que ça me sort de toute possibilité de ces choses-là. Ça vient que ça ne m'intéresse pas. C'est un peu comme vivre dans le moment présent, mais pas au sens où c'est à la mode de l'enseigner, dans le sens qu'on voit le futur en germe dans le présent. On finit qu'on peut voir le futur. Moins on donne d'importance, plus on voit clair. C'est-à-dire que moins on intellectualise, moins on compense. En tout cas, si je ne sais pas si vous voyez là. Mais bon, la physique quantique, moi, là, les supposées lignes de temps ont rapport avec. Bon, j'ai pas eu le temps, là. Je suis en train de vous lire. Bonjour, Mona. Ah, Mona est là. Où ça? Ah, Mona, bon matin. Bon, je ne l'avais pas vu. Cassandra, ce sont donc des représentations sur lesquelles on se prend la tête pour compenser. Merci pour votre réponse. Ah, ben, c'est pas pire. J'avais peur que vous le preniez. Non, je suis pas agacé. Ça résonne tellement, ton discours, cette lucidité rare manque tellement à ce moment. C'est parce que les gens, ils souffrent psychologiquement, puis ils ont peur. C'est ça qui nous empêche d'être lucides. Ça a l'air spécial, mais c'est vraiment ça. Les gens sont entretenus dans de la crainte, de la peur. Il y a de l'angoisse existentielle, puis c'est encouragé. Mais à l'insu, des gens. C'est comme aller parler d'affaires de méditation de pleine conscience à des enfants, là. Là, c'est peut-être les préoccuper avec des concepts philosophiques, puis des... De... Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Et pourtant, vous êtes vivant. Ben oui, ben certainement que je suis vivant. Mais dans le fond, c'est pas important. Vivre au moment présent, pour moi, c'est la vigilance 24 sur 24. Ben oui, par rapport à l'astral. Ouais, j'ai eu des... Ça s'essaye, ces temps-ci, là, ça essaye de... Ben bon. Corinne, oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, ah, ben, merci à vous. Il m'en faut bien plus pour mal prendre une réponse. Ah ben, tant mieux. Oui, mais j'y ai tellement de gens, de toutes les sortes, que, bon, des fois, je ne sais pas trop. Là. Puis souvent, je vais répondre candidement, puis des fois même, je me choque. C'est souvent... Il y a des gens, des fois, qui veulent à tout prix que je perde patience. Dans ce temps-là, je suis très patient. D'autres fois, je tombe dans un état de colère, puis j'en revire de... d'une façon que... Puis ils s'attendaient pas à ça. J'ai refusé trois contraintes d'enseigner le yoga dans les écoles primaires. J'ai plutôt offert aux profs les cours. Ah ben oui. Ben oui, c'est drôle, ça, cette idée-là, dans les écoles. Le mandat des écoles, c'est supposé être fonctionnel au niveau de savoir lire, écrire, le niveau de littératie, la capacité de se gérer, la capacité de compter. Bon. Ben, écrire, lire, compter, je veux dire, c'est ça la base, aussi peut-être l'histoire un peu, là. Mais c'est rendu de l'endoctrinement d'extrême droite que d'enseigner l'histoire aux enfants. En tout cas. Je ne sais plus qui avait sorti que si on apprenait les enfants à méditer, il y aurait la paix dans le monde. Ben oui, c'est des idées, ça, de la fin des années 60. C'est comme dans le temps hippie, là. C'est surtout, ben oui, les enfants vont apprendre à être passifs, puis à encaisser sans réagir, puis ils vont être plus malléables. Puis aujourd'hui, on appelle ça des gens fluides. Donc, bon, être une flaque d'eau, ouais, ok, bon. En tout cas, je suis nouvelle sur votre chat, mais j'écoute depuis un moment, j'apprécie votre franc-parler. Ah bon, ben, merci à vous. Joe Pell, les. Vous pouvez continuer là. Mais oui, ben aujourd'hui, c'est ça. C'est des gens fluides, les citoyens fluides. Plusieurs enfants au primaire sont déjà angoissés. Ben, c'est sûr. Ça vient de l'entourage. Ça vient tout le temps de l'environnement. Toujours. Ça ne peut pas venir réellement de l'enfant. L'enfant, il est en réaction. Il est en réaction, puis ça vient tout le temps de l'environnement. Donc, moi, quand je vois des enfants qui vont pas bien, je sais que c'est pas l'enfant le problème, là. C'est à quoi que ça peut arriver. En France, ils ne font même plus les dictées, ni même les rédactions, thèse, antithèse, synthèse. Et c'est pas, ouais, ils veulent pas qu'il y ait ils veulent pas qu'il y ait de capacité de sens critique. C'est sûr. Sinon, le prochain Macron, comment qu'on va le rentrer puis que ça soit crédible? Et ça se constate dans l'incapacité à prendre des décisions. Et voilà. Ben oui, ils veulent que l'État prenne les décisions. Puis ils vont dire que c'est l'intelligence artificielle qui a le dos large, qui va avoir le dos large. Mais ça va tout le temps aller dans des intérêts. Bon, surtout au niveau de la France, les Américains, c'est les Américains. La libération de la France, là, c'est juste les nazis sont partis, les Américains sont arrivés. Puis je pense que c'est pas mieux. Puis regardez Macron, là. Il était avec Brigitte. Brigitte l'a tenu par la main, là. Puis aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen qui le tient par la main. Ça, il faut à tout prix qu'une vieille madame le tienne par la main. C'est des citoyens comme ça qu'ils veulent. Puis ça va être une vieille madame choisie par les Américains. Bon, ben la France, c'est un peu une vieille madame. Salut, Bertha, coucou de la Suisse. As-tu des inondations de ton côté, je fais souvent des commentaires. Non, pas du tout. Moi, je suis dans le nord, puis je suis très, très haut au-dessus du niveau de la mer. C'est quasi impossible qu'il y ait des inondations ici. Là où je suis, c'est vaste, le Québec. La Suisse rentre 18 fois dans le Québec. Donc, c'est bien quand vous êtes en colère. Ouais, ça dépend pourquoi. Donc, oui, exactement. Ah, je sais pas. Par la main ou les couilles, moi. Ouais, mais il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut le venir par la main. Pas que par la main. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Macron, c'est drôle, il me fait pas l'effet d'un homme. Il me fait, on dirait vraiment un petit enfant. C'est un peu, il y en a un au Québec qui est rendu chef, le Parti nationaliste au Québec. Parti qui a été créé justement pour que l'indépendance du Québec se fasse jamais, c'est-à-dire qu'à mes yeux, c'est une arnaque. Comment est-ce qu'il s'appelle de... Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon. Cet homme-là a la vibration d'un petit garçon. Mais vraiment, là, à chaque fois que je le vois, il est comme tout. Il a les yeux, là, il a des grands yeux, il est tout. Oh, il est comme. Oh. Il y a quelque chose de castré, il y a quelque chose de. Pour ça, peut-être qu'il va être premier ministre un jour. Il a le profil de l'emploi. Hein? Il est déjà. Bon. Ouais, ça, c'est. Oui, ça, c'est sûr que la Suisse en 18 fois dans le Québec. Ah oui, puis peut-être même plus, mais c'est ce qu'on nous disait à l'école dans le thème. Je ne sais pas si à quel point c'est vrai, là. Bonjour Bertold. Ah bonjour, Alexis. Ah, Corinne, un petit Pinocchio. Oh, lequel? Le Macron. Même pouf. C'est peut-être là que Richard voulait atterrir avec son conteneur. Ah. Ben, lui, là, bon. C'est pas que. En tout cas, mon temps pense à d'autres choses. Paul Saint-Pierre, c'est un petit gars en culotte courte, effectivement. Ben, c'est affligeant de voir ça. Mais il est moins catin que d'autres. En tout cas, bonjour, c'est surprenant que vous soyez en direct un vendredi. Oui, c'est parce que demain, je ne peux pas. Demain, il y a des engagés qui vont venir faire le ménage du printemps. Donc, bon. J'aime pas ça, là, moi, que du monde, des gens viennent chez moi, mais bon, c'est pas moi qui ai décidé ça. À son élection, le boss du CRIF lui avait pris la main pour le lever en l'air. La tête à Macron voulait tout dire. Ben, moi, je considère que depuis très longtemps, le président de la 5e République de la France, c'est. En tout cas, faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais, Macaron. Peut-être que. Macron est né fille et a fait sa transition. Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a une différence entre être. L'affaire, c'est que c'est pas un homme, c'est un garçon. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait jamais. Les parents n'ont pas rempli leur rôle comme il faut, puis il était détourné. Il était détourné par la femme singe, là, là. Espèce de singe, Brigitte Macron. Est-ce qu'elle est? Être laid comme ça, c'est. Ben, je veux dire, elle vieillit mal, ou je sais pas trop, à tout teinté. Bon. Y a de quoi qui marche pas, là. Il y a bien des affaires qui fonctionnent pas, là. C'est pas normal. C'est pas normal, là. En tout cas. OK. Au PQ, Éric Duhaime, au PCQ, on est gâtés, ouais. Ouais, gâté dans le sens de. Ben ouais, mais Éric Duhaime, c'est un autre. Bon. C'est tout des comiques. Croyez-vous que l'intelligence puisse être artificielle? Ben non. Mais je parle ce qu'eux appellent l'intelligence artificielle. Mais bon, artificielle, ça le dit. C'est pas. C'est comme synthétique. C'est comme si je vous dis. Synthétique, ça le dit. En tout cas. Genre, la question est légitime. C'est parce que c'est pas une femme. Non, ça, j'y crois pas. Non, non, je pense que c'est une femme. Je crois pas à ça, l'affaire Trogneux, genre patente Trogneux. Non, ça, c'en est des affaires qui sont lancées dans le public, des eaux à ronger pour discréditer. Ça permet après de faire complotiste. Vous êtes des complotistes, vous croyez ci, puis ça, puis blablabla. C'est à ça que ça sert. Ça sert à discréditer une partie du monde. Ben, je ne crois pas que Brigitte Macron, regardez son crâne, regardez la forme du crâne. Puis bon, oui, elle a l'air d'une guenon, Lucy in the sky, mais bon, c'est une femme de Néandertal, disons. Bon, c'est vrai qu'elle est vraiment à l'aide, là. Je veux dire, c'est dur d'être laid comme ça. De toute façon, c'est pas bien vu, c'est pas bien ben correct là, de parler de son physique. Je veux dire, c'est pas très bien de critiquer la physique d'une dame, là. En particulier la première dame. Les derniers seront les premiers, fait que bon. Oh, j'adore. Ouais, ben, c'est parce qu'il y a des choses comme ça. Prenez Beria. Dans le temps de l'Union soviétique, il y avait des rumeurs qu'il buvait du sang, des choses comme ça. C'est le KGB lui-même, puis lui-même qui faisait répandre ces rumeurs-là. Prenez toutes les conneries sur la zone 51, puis Roswell au Nouveau-Mexique, c'est les Américains eux-mêmes qui font exprès de répandre des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a des eaux à ronger dans ce qu'on pourrait appeler la complosphère, puis c'est voulu. Puis, il y a ce qu'on pourrait dire, il y a 98% de faussetés qui vont être lancées exprès dans le public pour cacher le 2% de vrai. C'est toujours comme ça. C'est des stratégies de guerre de l'information, c'est des stratégies de contrôle de l'information. Comme Hoover aux États-Unis, le FBI, il faisait exprès pour répandre des rumeurs. Puis après, ça a servi dans le temps de McCarthy, puis bon, des choses comme ça, là. Je la trouve pas laide, mais c'est la maigreur qui me choque. Ah oui, ben, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue, mais moi, je trouve qu'elle a l'air d'un singe. Ben franchement, là, je suis toujours surpris chaque fois que je la vois. Ça a vraiment l'air d'un singe, Brigitte Macron. Je la trouve vraiment pas belle. Puis je ne sais pas comment ça se fait qu'elle a cette apparence-là. Mais moi, je trouve qu'elle a l'air de les représentations les humains du temps du paléolithique qu'on voit dans les musées d'histoire naturelle. Ça ressemble à ça, là. Elle a le front. Bon, même si je ne commence pas un front, j'ai un doute quand même. Les infos fournies de sa jeunesse sont louches. Et elle côtoyait de près le pasteur Doucet Haoui, qui était connu pour aider les trans. Ouais, ben, il n'a pas été juste connu pour ça, mais sans mytho, il y a eu des. Il y a eu des. Bon. Mais si tout le monde. Il s'est pas fait tuer, lui, me semble. Je ne me rappelle plus. Elle a l'air d'avoir une perruque. Ouais. Ben, ouais, ben, l'air d'une reconstitution de musée, ça, c'est sûr, là. Mais bon, elle serait pas toute seule à avoir des perruques, là. Comme, à Montréal-Nord, il y a pas mal de perruques qui se promènent. Hein. Mais bon, quand on a les cheveux crépus, des fois, ça va plus vite. Ça va. Bon, en tout cas, perruque. Oui, j'ai remarqué, elle est peut-être malade. Bon, ouais. Mais bon, Brigitte Macron, c'est un peu comme. Bon, moi, je la vois comme la patronne de Macron. Alors, je parle pour certaines affaires, pour certaines choses. C'est un peu elle, la patronne. C'est un peu comme. J'ai tout à considérer que Ghislaine Maxwell était la patronne de Epstein. C'était son supérieur hiérarchique. C'est pas presque bon, en tout cas. Oui, trop long de rentrer dans les détails. Ouais, ben surtout, on n'est pas au courant, puis c'est pas vérifiable. Je veux dire, je peux pas vérifier rien. C'est pas très, très intéressant, dans le fond. Donc, bon. Au fond, là, on nous fait le coup de people. Pendant qu'on se questionne sur des affaires comme ça, vous vous souvenez comme François Hollande, là, en scooter chez sa maîtresse, puis dans le fond, c'est pas ça, là, il n'est pas là, le scandale. Le vrai scandale, il n'est pas là. C'est un peu comme on agite un trousseau de clés pendant ce temps-là. Bon. Hein? Bon. En tout cas. Ouais. Puis dans le fond, comme tu dis, on s'en fout de la tronche de Brigitte. Ben oui. Dans le fond, c'est même pas important. Même pas important. Moi, c'est de voir Macron se promener avec Ursula von der Leyen. Même d'ailleurs, Xi Jinping a ri de lui carrément en public. Je sais pas si vu ça, il avait l'air de dire, ben là, anciennement, la France, c'est plus. Bon. En tout cas, bonjour, Samad. Ah, Belinda, Brigitte Bardot est plus belle. En tout cas, elle était plus jolie. Il y a longtemps.